C'est une histoire extraordinaire, un roman vrai, aux confins du monde du renseignement et de l'aventure politique. Le portrait d'un idéaliste de la Révolution, d'un fidèle qui a lutté pour ses idées jusqu'aux portes de la mort. Tel était cet homme, Jean Cremet, un quasi-inconnu pour la plupart de nos contemporains, et pour cause, dès que, sur ordre de Moscou, ce révolutionnaire a plongé dans la clandestinité, il a de facto renoncé à la grande carrière politique qui lui était promise. Et il a ensuite tout fait pour se faire oublier de pseudonyme en pseudonyme, de femme en femme, sans jamais cesser le combat, son combat. Militant politique, agitateur, trafiquant d'armes, agent secret, résistant, Cremet, qui a pourtant croisé l'existence de Lénine, Staline, Ho Chi Minh ou encore George Orwell et même André Malraux, a donc failli disparaître définitivement des livres d'histoire. C'était sans compter avec deux journalistes écrivains, Roger Faligo et Rémi Koffer. Fascinés par ce personnage hors du commun, ils l'ont arraché à la mort et à l'oubli au cours d'une longue et passionnante enquête qu'ils restituent dans leur dernier livre, L'Hermine Rouge de Shanghai. Monsieur X ne pouvait pas passer à côté de cette histoire. Lui aussi, à sa manière, a essayé de reconstituer la trace de feu que Jean Cremet a laissée dans le siècle dernier. Il y a des hommes qui, même malgré eux, ont des rendez-vous secrets avec l'histoire. Et Jean Cremet était de ceux-là. En 1911, par exemple, ce jeune ouvrier breton pêche des crustacés à Pornic. Il y rencontre un autre pêcheur passionné qui n'est autre que Vladimir Ilitch Ulyanov. Lénine. Oui, Lénine, qui a ses habitudes dans ce petit port de la côte bretonne. Plus tard, lorsque Cremet est appelé à Paris, il se loge d'abord à l'Hôtel du Nord. Ça vous dit quelque chose. Au bord du canal Saint-Martin, un établissement dirigé par le couple Dabi, dont le fils Eugène, écrivain en herbe, projette déjà d'écrire un roman réaliste qui portera le titre de l'hôtel paternel. Oui, Hôtel du Nord, oui. Ouais, atmosphère. Plus tard, Cremet trouve un autre logement parisien. C'est l'ancienne maison de Cartouche. Le puits qui permettait aux bandits d'échapper aux argoussins, il existe toujours. Ah, ça fait rêver, tout ça. Naturellement, oui. Oui, enfin bon, ce sont de pures coïncidences. Hein. Certes, certes. Mais écoutez encore, beaucoup plus tard, lorsqu'il sera traqué par toutes les polices et même les sbires de Staline, c'est grâce à la complicité du couple Malraux qu'il pourra s'enfuir de Chine et gagner les États-Unis. Bon, j'arrête là. Enfin, vous allez le voir, rien ne semble ordinaire dans la vie aventureuse de Cremet. Et pourtant, il semblait nullement voué à connaître un tel destin. D'accord, là. Bon. Par où commence-t-on ? Bah, par le début. Alors, Jean, né en 1892, est le fils d'un agent technique des forges d'Indré, une usine située sur l'estuaire de la Loire qui travaille pour la marine, la royale, comme on disait encore. On le dit toujours d'ailleurs. C'est un adolescent féru de lecture qui s'enthousiasme aussi pour les luttes sociales. Et elles sont nombreuses à l'époque. Et malgré l'interdiction paternelle, le jeune homme fréquente les milieux socialistes et anarchistes et participe à plusieurs échauffourées contre les forces de l'ordre. Il travaille déjà, là ? Non, non, non. Le père voudrait qu'il fasse des études et devienne dessinateur dans ce même établissement où il possède une certaine position sociale. Mais Jean Cremet, le petit requin, comme on l'appelle, veut travailler au plus vite et il devient apprenti chaudronnier. Contre la vie de son père, d'accord. Et les relations ne cesseront de s'envenimer entre ce père rigoureux et le fils. Parce que le jeune homme va très vite devenir un militant syndicaliste très actif. Ce qui déterminera d'ailleurs son père à demander sa mutation dans un autre établissement de la firme, à Bizerte, je crois. Enfin là, je vais vite. Autre sujet de désaccord avec sa famille, Jean entretient une liaison avec une jeune fille qui va bientôt être enceinte et qu'il finira par épouser après la naissance de l'enfant, une fille, Jeannette. Ouais. Et on est dans une région très catholique. Hein. Évidemment. Mmh. En 1914. Cremet est bien sûr mobilisé. À la suite d'une erreur de commandement, une partie de son régiment est décimée dans le nord de la Meuse. Jean, lui-même, est gravement blessé au pied. Ah ben, ça lui vaut d'être démobilisé, j'ai dit. Non, non, mais après sa guérison, il ne retournera pas au front et sera affecté aux forges d'Indre. Ah oui, à cause de leur travail pour la marine. Oui, toutefois, ce qui compte, c'est que Cremet, de retour à l'usine, est devenu farouchement antimilitariste et ne se prive pas de le faire savoir. On fait de la propagande, oui. Et en pleine guerre, ça lui attire forcément des ennuis. Et il est viré de l'usine, mais réintégré peu après. En tout cas, un commissaire de police chargé de surveiller les éléments subversifs note que Cremet est certainement l'homme le plus dangereux de la région. C'est une sorte de reconnaissance de son militantisme. En effet. Ouais. Et le petit rouquin est d'autant plus déterminé qu'à l'Est, le pêcheur de crustacés a pris le pouvoir. Oui, le pêcheur de crustacés, c'est Lénine, et la révolution, c'est la révolution d'octobre. Une révolution qui galvanise tous les socialistes français au nom de l'internationalisme prolétarien. Et Cremet, bien sûr, ne reste pas inerte. Déjà, membre de la CGT, sera de ceux qui, après le congrès de Tours, adhéreront au Parti communiste après la grande scission. La scission avec les socialistes de la SFIO. Et Cremet va très vite grimper dans la hiérarchie du nouveau parti. Ce n'est pas très étonnant. Ce jeune militant autodidacte, dévoreur d'ouvrages théoriques, mais aussi de romans, est un bon orateur et un camarade infatigable malgré la maladie. Quelle maladie? La tuberculose. Qui fait alors des ravages, surtout dans les milieux les plus pauvres. Et Cremet, une bonne partie de sa vie, mènera un véritable combat contre sa tuberculose, qui l'obligera souvent, contre sa volonté, à prendre quelques repas. D'accord. Vous parliez là de son ascension dans le parti. Oui, oui, l'hermine rouge, comme l'appellent désormais ses camarades bretons. Ah oui, l'hermine blason de la Bretagne. Oui, l'hermine blanche. Ouais. Choisie, je crois, par Anne de Bretagne, et rouge, bon, enfin, inutile de vous faire un dessin. Donc, assez rapidement, le très populaire Cremet devient secrétaire départemental, puis responsable de la propagande pour un grand quart ouest de la France. Et là, il travaille encore? Son militantisme se traduit par de fréquentes absences, et il finit par être licencié une fois de plus. Mais Cremet n'en a cure, car bientôt, en 1923 exactement, se profile l'événement qui va décider de son destin. C'est quoi ça? Un voyage à Moscou. Une vraie consécration pour tout militant communiste. Ah, ça signifie alors qu'il a été distingué par les soviétiques. Exact, oui. L'Ukrainien Manoulsky, qui était alors le chasseur de tête de l'international communiste... Comme interne. Oui. Donc Manoulsky, qui entre parenthèses était fils de Pop, l'avait déjà repéré. Et un élément prometteur. Incontestablement. Bien entendu, alors que la France et l'URSS n'entretiennent pas encore de relations diplomatiques, ce voyage à Moscou s'effectue dans le plus grand secret. Résultat, là? Le jeune Cremet est reçu avec beaucoup d'égards. Il apprécie au plus haut point les réalisations de la patrie des travailleurs, même s'il ne prend pas encore l'exacte réalité des dissensions qui existent au sommet du parti. À ce moment-là, Lénine est alors très malade. Oui, et la question de sa succession agite déjà le cercle des principaux dirigeants. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un véritable révolutionnaire professionnel qui revient en France. Et Aurélie, en plus de son voyage à Moscou. Bah forcément, et ça se traduit très vite dans les faits. Dès la fin 1923, il est admis à participer aux travaux du comité directeur du parti, ce qui deviendra plus tard le comité central. Ouais. Mais c'est l'année suivante qu'il connaît l'ascension la plus spectaculaire au congrès de Lyon. L'hermine rouge accède au sein des saints, le bureau politique. Il est aussi nommé secrétaire général adjoint du parti. Ah, mais c'est le numéro 2, là. Oui, oui, et c'est du jamais vu dans ce très jeune parti. Oui. Et est-ce qu'il le doit au fait d'avoir été remarqué par Manoulsky? Bah, c'est évident. C'est donc l'homme de Moscou? Ah, vous ne croyez pas si bien dire. Enfin, laissez-moi poursuivre un petit moment. En 1925, Cremet est confirmé dans ses fonctions éminentes. Ça veut dire qu'il peut devenir un jour prochain le patron? Pas tout à fait. Et il n'a alors que 33 ans. En même temps, Cremet obtient l'onction du suffrage universel. Où? À Paris, où il est élu conseiller municipal du 14e arrondissement. Mais il n'a guère le temps de siéger sur les bancs de l'hôtel de ville, car le parti lui confie la direction de la propagande en province. Les communistes sont alors engagés dans un violent combat antimilitariste et anticolonialiste. C'est contre la guerre du Rif. Ouais, oui, l'hermine rouge se rend en particulier à Marseille pour réveiller les communistes un peu trop engourdis. Et c'est là qu'il rencontre une militante qui sera la deuxième femme de sa vie, Louise. Est-ce qu'il a quitté sa première épouse, hein? Non, mais celle-ci a refusé de le suivre. Et surtout, elle ne supporte plus cette vie de militant qui absorbe entièrement son époux. Toutefois, Cremet restera très attaché à sa fille, à qui il ne cessera d'envoyer des cartes postales tout au long de ses nombreuses pérégrinations à travers le monde, jusqu'au jour où il disparaîtra. Oui, il mourra, vous voulez dire? Non, non. Enfin, un petit peu de patience. Hein. Je vous en prie, laissez-moi continuer. En 1925, et malgré toutes ses activités, il retourne à Moscou. Et là, il est repéré par Staline en personne. Et Staline, qui grimpe lui aussi. Et qui va finir par éliminer son grand rival, Trotsky. Cremet apparaît alors comme le poulain de Staline. Le poulain pour la France, hein, l'homme qui monte au sein du PC français. Et de l'international communiste. Ah oui, aussi. Il effectue plusieurs missions à l'étranger et est même autorisé à venir soigner sa tuberculose sur les bords de la mer Noire. Ah ça, haute faveur. En effet. Et pourtant, le destin de Cremé a déjà basculé. Alors, pour quelle raison, là ? Eh bien, justement, parce que Cremé, comme vous l'avez dit vous-même, est devenu l'homme de Moscou. C'est-à-dire, pour être plus précis, un agent de Moscou. Un espion ? Exactement. Je vous ai parlé au début de cette émission du livre de Rémy Koffer et Roger Faligot, L'Hermine Rouge, paru aux éditions Les Portes du Large. Les deux auteurs confirment que Cremé avait noué des rapports de confiance avec Staline. Le 6 mars 1926, au cours d'une réunion du comité exécutif de l'international communiste, le maître du Kremlin déclare « Je viens de parler avec Cremé. Il m'a communiqué un fait nouveau sur l'existence non seulement dans le cadre du parti, mais aussi dans le cadre des organisations syndicales, de groupements de droite qui font leur besogne en cachette et qui, par endroits, mènent une attaque directe contre le parti communiste. Et Staline, de préconiser la formation au sein de la direction du parti d'une majorité compacte autour de camarades tels que Sémar, Thorez, Montmousseau, Cremé. Koffer et Faligot poursuivent. Le petit rouquin, lui, buvait du petit lait. Le secrétaire général du PC d'Union soviétique lui avait décerné un brevet de bolchevisme en plein comité exécutif du Comintern. Staline, on le savait, parlait peu et jamais au hasard. S'il avait cité le nom de Cremé comme celui de son meilleur informateur sur les affaires communistes en France, ce ne pouvait être qu'à dessein. De ce jour, le dirigeant breton s'estima confirmé comme le véritable numéro 2 du parti. Cremé, alors, militant exemplaire, serait donc devenu un espion. Parfaitement. Et cela depuis 1924. Pour les mêmes raisons qui en fait de lui un dirigeant communiste de premier plan, entièrement dévoué à la cause. Je vous explique. L'URSS est encore un jeune État fragile et qui doit en outre faire face à des puissances hostiles. Le devoir des communistes du monde entier est alors de lui venir en aide partout les moyens possibles. Ah, y compris en faisant l'espionnage. Bah oui, parce que ça lui permettra de renforcer son potentiel militaire et aussi de gagner de précieuses années en matière de recherche technologique, par exemple. Ouais, puis ce sont aussi des économies, hein. Bien entendu. Mais naturellement, c'est l'espionnage dans le domaine de la défense qui est la priorité pour les dirigeants soviétiques. Et c'est le service de renseignement de l'armée rouge, le GRU, qui s'en occupe. Alors, l'idée de départ est très simple. On va demander aux syndicalistes communistes ou proches des communistes employés dans les usines qui travaillent pour l'armée, la marine ou l'aviation de fournir des informations. C'est-à-dire qu'on va les transformer en espions. C'est ça. Ouais. Une idée déjà mise en œuvre par la presse communiste française qui avait, elle, recruté des correspondants ouvriers dans beaucoup d'entreprises. Enfin, pour faire remonter l'information. Bien sûr. Oui, il existait donc un vivier naturel d'espions. Et c'est le jeune et dynamique Cremé qui a été chargé d'édifier cette toile d'araignée. Enfin, l'entreprise n'était pas aussi aisée qu'il y paraissait. Parce que, entre le fait d'envoyer au journal L'Humanité des informations sociales et syndicales et celui de dérober des secrets militaires, il y avait quand même une sérieuse marge. Ouais, ouais. Et Cremé et les membres de son réseau ont eu fort à faire pour convaincre ses correspondants ouvriers qu'il leur fallait espionner pour venir en aide à la patrie des travailleurs. Ouais, donc j'imagine, il y a eu des refus. Oh, bah, pas seulement ça, des militants indignés sont carrément allés trouver la police. Oui, par patriotisme. Oui, et malgré le cloisonnement du réseau, la sûreté a pu pénétrer l'organisation et en démanteler des pans entiers. Ouais. Et Cremé, alors ? Bah, prévenu à temps, il a plongé dans la clandestinité et bientôt, il va quitter la France. Et pour aller où ? En URSS, bien sûr. Ouais. Mais auparavant, le parti a allumé des contrefeux en accusant le pouvoir de manipulation et de grossière propagande destinée à salir les communistes. Ouais, classique, ça. Ouais. L'épisode a même donné lieu à des plaisanteries. L'Humanité a régulièrement publié des vignettes où l'on voyait une caricature rigolarde de Cremé, le visage masqué, une escopette à la main. Fantomas. Oui. Et la même question revenait sans cesse. As-tu vu Cremé ? Cremé, l'insaisissable, qui faisait la nique aux chaussettes à clous, comme on l'appelait les policiers à l'époque. J'ajoute que ce réseau d'espionnage ne tardera pas à se reconstituer, sous l'autorité d'un mystérieux personnage, le général Muraille. Encore un nom qui sent bon le feuilleton, hein. Oui, en fait, il s'agissait d'un russe, un bolchevique, de la première heure, qui parlait un parfait français, mais finalement par se faire prendre au début des années 30. Enfin, quoi qu'il en soit, le démantèlement du réseau Cremé aura une conséquence importante. Désormais, les services de renseignement soviétiques s'abstiendront de recruter des espions dans les rangs des partis communistes. Ouais, pour des raisons de sécurité. Naturellement. Parce que les militants communistes sont forcément suspectés, en premier, de trahir leur pays, mais aussi pour une question d'image. Les partis communistes ne devaient plus apparaître comme de simples officines soviétiques. Non, ça n'empêchera pas certains communistes, et même des dirigeants comme Jacques Duclos, d'entretenir des rapports très étroits hein, avec les services de renseignement soviétiques. Vous avez raison. Il y a toujours des exceptions. Mais enfin, revenons à l'Hermine Rouge. Condamné par défaut à 5 ans de prison, Kremen ne peut plus revenir en France sous peine d'être arrêté. Alors, c'est donc la fin de sa carrière politique française. Et un homme va prendre la place qui lui était destinée à la tête du parti, Maurice Thorez. Ouais. Une grande déception pour lui. Certainement. Mais ce dont Kremen va souffrir le plus, c'est de ne plus voir sa fille. Ouais. Et à Moscou, alors, que fait-il ? Eh bien, logé au fameux hôtel luxe, bah, il fréquente la fine fleur du Comintern et côtoie, par exemple, l'Italien Togliatti ou celui qui deviendra un espion légendaire, Richard Sarge. Ouais. L'homme qui sera le premier à avertir Moscou de l'imminence de l'invasion nazie en URSS. Hein. Ouais, mais comme vous le savez, Staline ne le croira pas. Kremen, bien entendu, n'est pas du genre à demeurer les bras croisés. Il participe donc activement à la direction de l'Internationale communiste et il effectue même des missions à l'étranger, en Suisse, en Allemagne ou en Italie. C'est aussi lui qui convainc Gorki de revenir en URSS et de se rapprocher du pouvoir soviétique. Mais Gorki fait donc toujours partie, Kremen, de l'élite dirigeante du Comintern. Incontestablement. Mais ça ne va guère durer. Et pourquoi alors ? Staline mène alors une lutte féroce contre son opposition et d'abord contre son principal représentant, Léon Trotsky. Trotsky, exilé en province, est bientôt contraint à quitter l'URSS. Tout ça ne plaît pas du tout à Kremen qui continue à admirer l'homme qui a créé l'armée rouge. Une première fois, arguant de sa santé fragile, le Français évite de prendre part à la réunion de l'Internationale communiste qui prononce l'exclusion de Trotsky. Enfin, il ne peut pas feindre plus longtemps. Au cours d'une nouvelle réunion qui rassemble de nombreux délégués étrangers et qui a pour objet d'approuver la politique de Staline, Kremen est le seul à s'abstenir. Une attitude risquée. Ah, très risquée, oui. Et Kremen doit à la protection de Manioufsky, le premier dirigeant à l'avoir remarqué, de ne pas être immédiatement exclu du Comintern. Ouais. Mais il n'est plus en odeur de sainteté. Ça, c'est certain. Toutefois, malgré cet affront fait à Staline, l'Internationale communiste, tout en l'écartant des instances dirigeantes, lui confie de nombreuses missions hors de l'URSS. Quoi, pour l'éloigner ? Ce n'est pas exclu. Mais ces missions, ça consiste en quoi ? Est-ce encore de l'espionnage ? Il est parfois difficile de faire la différence entre le travail des Cominterniens et celui des agents de renseignement. D'autant que, personnellement, Kremen n'a pas rompu avec le GRU. Alors, la nature de ces missions. Ah oui. L'Hermine Rouge s'informe, crée des structures du Comintern ou les réactive lorsqu'il le faut. Bref, c'est une sorte de commis voyageurs de la Révolution. Mais c'est un peu ça. Oui. Ouais. Ça ira même plus loin en Chine, où Kremen aura la charge d'approvisionner en armes les communistes chinois de Mao Zedong. Ouais. En tout cas, c'est toujours du travail clandestin. Bah oui, parce que le français évolue toujours en milieu hostile. Par conséquent, il utilise de nombreux pseudonymes. Et il dispose de faux papiers. Bah, établis généralement à partir de vrais passeports volés ou prêtés par des militants bien existants. En tout cas, c'est un travail dangereux. Et Kremen, rompu à la vie clandestine, utilise en effet tous les trucs des espions pour semer les filatures ou correspondre avec Moscou. J'ajoute que ses missions secrètes lui permettent de rencontrer des futurs leaders comme Ho Chi Minh, Zhou Enlai, qui sera ministre des Affaires étrangères de Mao, ou encore Deng Xiaoping, son successeur. Non, bah, c'est pas rien, hein. Bah, effectivement. Il se trouve donc en Chine en 1930. Il s'agit de sa mission la plus risquée. Pour quelle raison ? Les communistes chinois font alors l'objet d'une violente répression de la part du Kuomintang et du dictateur Chiang Kai-shek. Kremen doit donc être très prudent, car s'il était démasqué, bah, il risquerait le pire. Mais ce n'est pas le seul danger auquel il doit faire face. À Shanghai, où il s'est installé sous l'identité d'un respectable commerçant belge, les policiers de la concession internationale, tant français que britannique, traquent aussi les révolutionnaires. Mmh. Et le danger vient surtout des Français, puisque Kremen a été condamné pour espionnage. Hein. C'est vrai. Mais il y a encore une autre menace, et peut-être encore plus grave. Quoi ? Les hommes de main de Staline. Le petit père des peuples n'a certainement pas oublié que Kremen lui a manqué. Pour de ce vote, là. Et on ne manque pas impunément à Staline. Et alors Kremen, qui a gardé des amitiés à Moscou, apprend que le dictateur rouge a décidé de l'éliminer physiquement. Et il décide de mourir. Mais pour de faux, comme disent les enfants. Cremet, mort, on y a très longtemps cru. Ainsi le prouvent ces quelques lignes extraites du tome 4 du monumental ouvrage de Philippe Robrieux sur l'histoire intérieure du Parti communiste français, paru en 1984. Lors d'une réunion des militants communistes des partis frères tenue à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution d'octobre, Cremet entre en dissidence en refusant de voter l'approbation du rapport présenté par Boukharine qui constituait une condamnation brutalement aggravée de l'opposition unifiée menée par Trotsky et Zinoviev. Désormais suspect, il perd une à une ses responsabilités. Ayant encore assisté au 9e plénum élargi du comité exécutif de l'International en février 28, il sera également présent au 6e congrès mondial à l'été de la même année, mais disparaît du comité exécutif et peu après, en octobre, du bureau politique du PCF. Déchu de son mandat municipal en novembre, il continue à travailler pour le compte du Comintern, mais à des postes dépourvus d'influence politique. C'est dans ces conditions qu'il est désigné, à une date très controversée, pour accomplir une mission secrète en Chine. Il devait y trouver la mort dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Selon la version plus ou moins officielle, il serait accidentellement tombé en mer. Les opposants murmurèrent secrètement qu'il avait en fait été supprimé. On ne sait rien de plus et on ne connaît même pas la date exacte de ce décès qui se serait produit non loin de Macao. Mais quand vous dites qu'il décide de mourir... Pour de faux, et j'ajoutais aussitôt. Oui, d'accord. Cremet a compris que pour lui, la meilleure manière d'échapper à ses poursuivants, c'était encore de faire croire à sa propre mort. Eh, d'accord, enfin, comment fait-il alors? Mais il a fait courir le bruit qu'il était mort noyé au cours d'un voyage en bateau dans ces mers particulièrement dangereuses. Tant à cause du temps que de la présence de nombreux pirates. Et c'est sans doute une expédition périlleuse de livraison d'armes aux communistes chinois qui lui a donné cette idée. Car la jonque qui le transportait a vraiment failli sombrer dans une tempête. Et comme la mer rend rarement ses victimes... Ah, mais enfin, il a fallu des complices pour propager cette rumeur. Ah, certainement. Et pour lui, qui voyageait depuis des mois dans ces parages, ça n'a pas dû être trop difficile à trouver. Un ou plusieurs complices qui n'ont jamais mangé de morceau. À tel point que, jusqu'il y a 15 ans, tout le monde croyait vraiment que Cremet avait succombé, sans doute liquidé par ses ennemis. Et les uns prétendaient que c'était l'intelligence service, d'autres penchaient plutôt pour le GPU. Staline, quoi. Ouais. Et puis il y avait les gangsters chinois. Ah oui, les triades. Oui, ces malfrats qui entretenaient d'excellents rapports avec les autorités n'aimaient guère les communistes. Parce que la présence de ces révolutionnaires nuisait à leur commerce. Bref, on avait l'embarras du choix. Et toutes ces hypothèses paraissaient très vraisemblables. À tel point que, quelques années plus tard, le ministère français des Affaires étrangères a informé officiellement la présidence du Conseil que le communiste Cremet avait été assassiné par un agent de l'intelligence service. Mais le plus étrange n'est pas là. Vous souvenez-vous de La Condition humaine ? Le roman d'André Marot, ben oui, je l'ai lu, mais enfin, il y a assez longtemps. Oui, eh bien, il y figure une scène où un Français trafiquant d'armes est mortellement poignardé par un jeune Chinois. Une exécution politique maquillée en crime ordinaire. Oui, je me souviens, mais enfin, le rapport avec Cremet... La Malraux s'est sans doute inspiré d'une des versions de la disparition de Cremet. Une version directement fournie par la prétendue victime elle-même. Cremet, donc ? Cremet, oui. Cremet qui va quitter subrepticement la Chine avec l'aide du couple Malraux. Cremet qui donnera au romancier des renseignements très précieux qui lui permettront justement d'écrire sa condition humaine. Alors, si je vous écoute bien, Malraux a donc été l'un de ses complices qui ont accrédité la mort de Cremet. Absolument. Mais avant de voir la suite, un mot d'abord. Un mot pour rendre hommage au travail des journalistes. Dans les années 80, deux enquêteurs bien connus, Faligaud et Coffer, s'intéressent au personnage de Cremet qu'ils ont croisé à plusieurs reprises au cours de travaux précédents sur les services secrets. Mais croisé dans des livres ou des documents. Hein. Bien sûr, ouais. Ils sont particulièrement intrigués par le fait qu'il existe plusieurs versions de sa disparition. Ouais. Donc ils fouillent. Et c'est ainsi qu'ils vont découvrir l'incroyable vérité. L'hermine rouge non seulement n'est pas mort en Chine, mais la seconde partie de son existence est peut-être encore plus aventureuse que la première. Je vous écoute là. Donc, Cremet fuit la Chine en compagnie du couple Malraux. Tous trois passent au Japon, traversent les États-Unis et se retrouvent sur un paquebot qui vogue vers la France. Oui, mais la France où Cremet risque d'être arrêté, hein. C'est vrai, mais le révolutionnaire dispose de faux papiers. Et puis, il n'envisage pas de s'attarder bien longtemps dans sa patrie. Ouais. Où compte il aller alors? Après un court séjour en Suisse, où il retrouve Louise, sa compagne, tous deux partent pour la Belgique. Et c'est là que Cremer entend s'installer. Et de façon tout à fait étonnante pour cet homme qui n'a cessé jusqu'alors de vivre intensément. Il devient sous le nom de Gabriel Perrault, l'employé modèle d'une compagnie de compteurs. Alors il s'est rangé? Apparemment, oui. Et il donne entièrement satisfaction à ses employeurs. Ouais. Et a-t-il pour autant abandonné la politique? Non, non. Il lit beaucoup, se passionne pour l'actualité. Il y a alors, à ce moment-là, de nombreuses grèves en Belgique. Et surtout, il a repris contact dans le plus grand secret, bien sûr, avec un tout petit nombre de ses anciens amis. Et c'est grâce à eux qu'il a pu obtenir ces faux documents d'identité au nom d'un véritable militant communiste de la région de Limoges. Cremer suit aussi, avec pas mal de désolation, ce qui se passe en URSS. La glaciation du système, la terreur, les purges. Et puis il y a aussi la montée du nazisme en Allemagne qui l'inquiète. Oui, d'accord, mais enfin, il n'a plus d'activité politique. Ah oui, mais ça ne va pas durer. Car lorsque Franco organise son putsch contre la République espagnole, Cremer n'y tient plus et décide de se lancer à nouveau dans l'action. Oui, mais que peut-il faire cet homme seul Ce qu'il a déjà appris à faire en Chine. Procurer des armes aux républicains espagnols. Organiser des filières d'approvisionnement et dans cette entreprise risquée, il retrouve un vieil ami qui brûle lui aussi de venir en aide aux républicains. Oui, Malraux. Malraux, bien sûr, avec lequel vraisemblablement il a continué à correspondre au fil des années. Malraux qui va créer de toutes pièces une escadrille de bombardiers. Oui, l'escadrille espagnole. Et c'est également l'héroïque aventure des brigades internationales, une aventure à laquelle Cremer a peut-être participer. Les armes à la main, vous voulez dire? Oh, c'est très possible, oui. Ça veut dire qu'ils seront en Espagne, alors. À plusieurs reprises, oui. Il y a rencontré, entre autres, l'auteur de 1984. George Orwell. Toutefois, Cremer a dû faire preuve de la plus grande prudence, parce que ses anciens amis des services secrets soviétiques se trouvaient aussi en Espagne. Et les staliniens éliminaient sans pitié les trotskistes, les anarchistes et tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne. Mais, puis en plus, Cremer, j'imagine, risquait de faire de mauvaises rencontres. Hein. Bah, naturellement. Et en tout cas, c'est le cœur serré qu'il a dû regagner Bruxelles après la défaite. Ouais. Bah, et son travail, alors? Le bon monsieur Perrault était tellement estimé que ses employeurs ont fermé les yeux sur ses fréquentes absences et Cremer a repris son travail comme si de rien n'était. C'est quand même assez étonnant. Ah oui, mais tout. Et étonnant dans la vie de l'Hermine Rouge. Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Espagne n'ayant été au fond qu'une répétition grandeur nature. Et comme beaucoup d'autres citoyens belges, Cremer Perrault fuit l'avancée des troupes nazies. Et il trouve refuge dans le nord de la France. Mais qui va être envahi à son tour. Mais Cremer a fait la rencontre d'une jeune châtelaine, Jacqueline, qui le prend à son service. Officiellement, il devient son jardinier. Mais officieusement, Cremer va aider cette femme courageuse à organiser un réseau de résistance très efficace. Et pourquoi ne pas le dire, il est aussi son amant. Ouais. Le jardinier, la châtelaine, c'est du Lady Chatterley. Ouais, n'est-ce pas? Cremer, petit homme rouquin et pas très beau, ne cessera jusqu'à la fin de sa vie d'attirer les femmes. De jolies femmes, souvent plus jeunes que lui. Le charme de sa conversation. Ouais, ou ce parfum d'aventure qui flotte autour de lui, enfin, allez savoir. Enfin, là n'est pas le plus important. Malgré les coups de boutoir de la Gestapo, Jacqueline sera arrêtée, torturée, puis relâchée. Et Cremer lui-même échappera de peu à l'arrestation. Donc, malgré toutes ces mésaventures, le réseau rend d'incontestables services à Londres. Un seul exemple. C'est grâce à ces résistants que les Alliés apprendront la construction de rampes de fusées dans le nord de la France. Ah oui, les V1, V2. Oui. Et ça permettra aux forces alliées de bombarder ces installations. Oui. Mais quand arrive la libération, j'imagine qu'en raison de son activité dans la résistance, Cremer ne risque plus d'être arrêté par la police. Certainement. Et même s'il avait été interpellé, il aurait été rapidement libéré et décoré. Mais soit qu'il ait préféré refuser cette reconnaissance, soit qu'il ait eu peur d'être rattrapé un jour ou l'autre par les tueurs de Staline, Cremer replonge dans la clandestinité. Et presque naturellement, il retrouve son travail à Bruxelles. Toujours le même, là, les compteurs. Oui. Dans ce domaine, il est d'une fidélité exemplaire. J'ajoute que s'il est reparti, c'est aussi parce que Jacqueline est morte, usée par les privations et les sévices qu'elle a subis. Louise, la compagne des premiers jours, la suivra d'ailleurs assez rapidement dans la tombe. Mmh. Deux femmes d'un seul coup. Hein. Mmh. Et Cremer refait sa vie? Oui, il essaie de retrouver sa fille. Il lui écrit, fait même le voyage de Nantes, inutilement. L'histoire de Cremer et de sa fille est jalonnée d'occasions ratées, autant d'épisodes qui affecteront profondément le révolutionnaire, car il ne reverra jamais Jeannette. Révolutionnaire, avez-vous dit, mais Le reste-t-il après la guerre ? Révolutionnaire et dissident communiste ? Oui, oui, il le restera toujours. Malgré l'âge, malgré la maladie, il fréquente maintenant les milieux de la 4e internationale. Ça, c'est les trotskistes. C'est ça, oui. Mmh. Et il fait la rencontre d'une jeune militante antifranquiste, Maria. Est-ce parce qu'il est tombé amoureux ou parce que l'inaction lui pèse ? Il s'aventure à ses risques et périls dans l'Espagne de Franco. Mais pourquoi ? Maria a disparu, sans doute arrêtée. Il la recherche, mais on profite aussi pour prendre contact avec les militants qui combattent clandestinement le régime franquiste. Enfin, un peu plus tard, il donnera un coup de main aux membres de ce qu'on a appelé le réseau français des porteurs de valises. Oui, le réseau anticolonialiste qui a aidé le FN algérien. Hein. C'est exact. Vous voyez donc que Cremet, l'éternel clandestin, n'a jamais renoncé. Et clandestin, il le reste jusqu'au bout, même dans la mort. Car en 1973, lorsqu'il succombe à une crise cardiaque, c'est sous son faux nom qu'il est enterré. Pierrot. Oui. Mais, oui, une question demeure. Est-ce que Cremet avait réellement réussi à organiser sa fausse mort ? Je veux dire, est-ce que ses pires ennemis, là, les staliniens, y ont vraiment cru ? Absolument. Les archives récemment ouvertes à l'Est le prouvent. Pour les soviétiques, après 1931, Cremet n'existait plus. Alors, il n'avait plus besoin de se cacher ? Certes. Mais voulez-vous connaître ma conviction ? Oui. Eh bien, l'hermine rouge était victime de lui-même. La clandestinité était devenue chez lui comme une seconde peau. Il ne pouvait plus en sortir. Enfin, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ce personnage hors norme, plongez-vous dans le passionnant livre de Roger Faligo et Rémi Koffer, L'Hermine Rouge de Shanghai, paru aux éditions des Portes du Large.